Team, on vous présente la compil de l'année, Génération Hashtag. Salah Matic à la prod, Yacine Bouzian, Génération Hashtag, parce que les jeunes est déterminé la famille. Du côté, dernière paire de Jojo, toujours bien accompagné. SKY dans la place, serre-moi bouteille dans les russes. Boy, j'dois faire des big glass, ouais, m'en faudra toujours plus. J'lève mon verre à la foule, hey yo, bonhomme ou foufoule. J'suis bien jusqu'ici, tout roule, tends-moi la main, boy, si j'coule. J'suis à Paris sur les champs, chrome sur les jambes. Tu veux de la pure, viens, j't'en vends. Poche, on s'en bat les champs. Wesh ta, Tanger, Hosema, Oujda. J'passe le CLM à Roma, Marocain de Sars, c'est normal. J'me casse au bled, j'ai besoin d'air. Lâche leur, j'fais mes affaires. Argent de n'importe quelle manière, j'ai pas le temps de bronzer mon frère. Parle-moi euro kilo, sachet hermétique, c'est l'eau. J'suis du quartier Mexico, moi j'suis qu'un thug à un mot. Non, non, non, j'vais pas me vendre. Ma fierté, mes chers, personne pourra me la prendre. Y'a pas de virgule. هروح يا ولد بلادي وحني يدي ماشي بواب سكور وحني في الوحمة يا ما في غير واللي يايدي روح علي في باري اللبس وغير اللاكة جيني راجوة ويش الله يا صاحبي غير كلي هروح يا ولد بلادي وحني يدي ماشي بواب سكور وحني في الوحمة يا ما في غير واللي يايدي روح علي في باري اللبس وغير اللاكة جيني راجوة ويش الله Generation, wish Allah.